LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Hier soir, attendue et pourtant bouleversante, frappant à nouveau tout près de nous, la nouvelle de la mort d'Imbach. 30 octobre 1942. Dresde, journal de Victor Klemperer. Fräulein Imbach, la quarantaine, petite, toute de noir vêtue, est la personne la plus esseulée de la maison. Je la vois en passant par la fenêtre à coulisses de la grande cuisine du rez-de-chaussée s'activer dans l'immense salle. Dans ces moments, elle a l'air particulièrement petite et abandonnée, et rongée de chagrin. Sa mère a été évacuée récemment. Une de ses sœurs a passé des mois dans le camp de femmes de Ravensbrück dans le Mecklembourg parce qu'elle était tombée entre les mains de la Gestapo pour avoir fait un saut irréfléchi dans la rue, sans étoile. On disait de sa sœur, internée dans un 4-7, qu'elle était résolue et énergique. Elle avait le droit d'écrire tous les 15 jours et se montrait courageuse dans les nouvelles qu'elle donnait. Sa dernière lettre n'est pas arrivée. À la place, un avis de décès. D'Auschwitz. Cause de la mort, apoplexie. C'est la 9e Drestoise transférée de Ravensbrück à Auschwitz. L'hiver 43 sur tous les fronts. La Shoah, un documentaire de Christelle Le Polothèque et Thomas Duterre. Malgré la situation militaire catastrophique sur le front de l'Est, qui mobilise des milliers de soldats allemands en cet hiver 43, l'extermination des Juifs d'Europe ne ralentit pas. Le génocide a commencé dès le début de la guerre, par la mise en ghetto et des assassinats massifs en Pologne et dans les territoires de l'URSS, envahis par les nazis. En janvier 42, la conférence de Wannsee a organisé de manière systématique la solution finale, c'est-à-dire l'arrestation, le transport, l'extermination massive et la spoliation des Juifs dans toute l'Europe. Au cours de l'année 42, les grandes rafles se multiplient, y compris en Europe de l'Ouest. Face à la défaite de Stalingrad en janvier 43, les nazis accroissent encore la pression sur la population juive en la rendant responsable de la situation militaire. Tal Brutmann, historien, nous livre un état des lieux de la Shoah en Europe lors de l'hiver 43. Tout dépend de quel endroit on parle, parce que les réalités sont très variables et il faut comprendre un élément fondamental quand on parle de la situation des Juifs et donc de la Shoah, puisqu'elle est en cours à ce moment-là, c'est qu'on a en tête ce qu'on peut appeler le modèle polonais, c'est-à-dire la destruction des Juifs de Pologne qui bat son plein, parce qu'il y a ce modèle qu'on pourrait appeler le modèle polonais qui est à l'œuvre, on imagine que c'est partout la même politique qui est mise en œuvre simultanément par les Allemands, ce qui est loin d'être le cas. En fait, il y a d'abord ce qui se passe dans l'ancien territoire polonais, en premier lieu le gouvernement général, avec notamment le ghetto de Varsovie par exemple. Quand on regarde les chiffres, pour matérialiser les choses, l'immense majorité des Juifs de Pologne, à la fin de l'année 1942, ont été tués, au point qu'un des centres de mise à mort qui a été mis en place, celui de Belzec, arrête de fonctionner à la fin de l'année 1942. Dans le même temps, il y a ce qui se passe en Europe occidentale, où là, à partir du début du mois de juillet, on a toutes les grandes opérations, les rafles, puis ensuite les arrestations qui suivent, et qui commencent à mettre en œuvre la solution finale à l'ouest de l'Europe, alors qu'elle avait été épargnée par, on va dire, les mesures d'assassinat contre les Juifs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la solution finale n'est que la finalisation de politiques meurtrières qui ont commencé avant. Si on reste sur l'exemple des Juifs de Pologne, dans le ghetto de Varsovie, on a eu 100 000 morts entre fin 40 et l'été 1942. Autrement dit, la solution finale, le terme nazi, c'est l'assassinat systématique, et la Shoah qui désigne l'événement, c'est la destruction des Juifs telle qu'elle se déroule à partir de 1939-1940. Et celle-ci est déjà très largement entamée. En fait, on estime qu'il y a déjà 1 million de morts avant même le déclenchement de la solution finale. Après, il y a de grandes différences, non seulement entre les territoires contrôlés directement par les Allemands, mais aussi dans les territoires qui ne dépendent pas directement des Allemands, qu'il s'agisse de la zone libre, par exemple, qui est contrôlée par Vichy, où il y a des déportations, mais aussi d'autres territoires comme la Slovaquie qui déportent et livrent des Juifs aux Allemands, ou alors d'autres territoires qui ont leur propre politique contre les Juifs. En Croatie, le régime Oustacha a assassiné de son propre chef les Juifs dès l'été 41, comme les Tziganes d'ailleurs. En Roumanie, on a une politique extrêmement assassine, puisqu'il y a plus de 600 000 Juifs qui vont être tués par les Roumains, mais avec des subtilités. Ils vont tuer non pas les Juifs de Roumanie, qui sont citoyens de Roumanie, mais les Juifs des nouveaux territoires qui vont être conquis et pour partie annexée par les Roumains, qui correspond en gros aujourd'hui à l'Ukraine occidentale, la Bessarabie, la Moldavie ou la région d'Odessa. Et là, on a déjà eu près de 600 000 personnes qui ont été tuées par les Roumains, alors que paradoxalement, en Roumanie même, même s'il y a des pogroms qui sont souvent meurtriers et on compte des centaines de victimes, notamment à Bucarest, la violence contre les Juifs est davantage une violence sociale, une violence législative et juridique, etc., etc. Donc on a un territoire européen, si on prend une vue large, où l'assassinat bat son plein, avec des endroits qui sont épargnés, mais pour autant, ça ne veut pas dire que le sort des Juifs dans ces endroits-là échappe à la violence antisémite. Mais il faut bien distinguer deux choses, l'assassinat à proprement parler et les violences antisémites, d'autre part, qui sont mises en œuvre par les gouvernements qui sont en place. Dans l'après-midi, Frenkel et Frau Ziegler ont confirmé la rumeur qui courait depuis déjà quelque temps. 14 novembre 1942, Dresde, Victor Klemperer. Les ouvriers juifs de Zeiss Ikon, environ 300 des 600 juifs se trouvant encore à Dresde, vont être mis dans des baraquements. Ce qui revient à préparer leur évacuation, car eux aussi sont dépossédés de tous leurs biens. Il ne leur reste qu'un bagage à main et on va les parquer comme des prisonniers. Camp, cantine collective, ils seront conduits au travail par groupe. Confinés dans le camp hors du temps de travail, sans livres, sans journaux, sans communication avec le monde extérieur. Que va-t-il advenir maintenant du reste des Juifs de Dresde, des couples mixtes, de nous ? On dit que tous les couples mixtes vont être parqués dans la maison de la communauté. Je suis très inquiet. Hier après-midi, Eva est allée chez Kätjen Zahra, qui doit elle aussi rejoindre les baraquements. Quelqu'un a sonné à la porte et elles sont restées toutes les deux longuement assises dans le noir, porte fermée. C'était peut-être la Gestapo et les visites d'Arien sont interdites. Eva dit que Kätjen Zahra était morte de peur. Mais les baraquements, dont la seule perspective avait si longtemps été pour elle un épouvantail, la laissent maintenant presque indifférente. On devient effectivement apathique et docile. On ne veut plus qu'une chose, sauver sa peau. À l'hiver 43, une grande partie des 500 000 Juifs qui vivaient en Allemagne avant la guerre a déjà été déportée. Victor Klemperer, l'auteur de la LTI, la langue du Troisième Reich, a échappé à la déportation grâce à son mariage avec une arienne. Dans son journal, il retranscrit minutieusement le quotidien des Juifs de Dresde, les persécutions, les humiliations et la peur permanente de la Gestapo. Il décrit aussi la spécificité du destin des Juifs allemands et autrichiens, qui, durant le processus de la Shoah, diffèrent des autres Juifs d'Europe de l'Ouest. en Allemagne, à partir de 1941, ont commencé les déportations vers l'Est. Tal Brutmann, littéralement vers l'Est. Historien de la Shoah. On a différents ghettos qui vont être utilisés. On a Minsk, on a Varsovie, on a le ghetto de la ville polonaise de Łódź, qui a été rebaptisé Litzmannstadt. On a les Pays-Baltes. On a aussi la création du camp ghetto de Theresienstadt, qui répond à des problématiques propres au régime nazi, c'est-à-dire envoyer les juifs allemands qui sont notables, les personnes âgées, les anciens combattants, les décorés, les intellectuels, on les envoie vers ce camp ghetto qui doit servir d'interface avant que le sort de ces gens ne soit finalisé, autrement dit assassiné. Donc en Allemagne, on a des restrictions de plus en plus dures. En fait, en 1942, l'édifice législatif antisémite érigé par l'État nazi a retiré quasiment la totalité, non pas des droits, mais des possibilités aux Juifs de vivre en Allemagne. Il n'y a plus le droit à la propriété, il n'y a plus le droit à l'immense majorité des activités, à la circulation, etc., etc. Donc oui, il reste un nombre non négligeable de Juifs en Allemagne, sans doute 100 000 ou 120 000, ça dépend des estimations. Mais en même temps, ils sont dans un régime étroitement contrôlé et qui n'a sans doute pas d'équivalent dans d'autres territoires d'Europe au même moment, si on accepte les particularités des ghettos en Pologne. Die Deutschen, Jüdinnen und Juden, die zu der Zeit, also Ende 42, 43, Andrea Loh, historienne, noch im Deutschen Reich gelebt haben. Les Juifs allemands qui vivaient encore dans le Reich allemand à l'époque, c'est-à-dire à l'hiver 42-43, étaient principalement des personnes dites métisses ou des Juifs mariés à des Allemands. En outre, les employés des communautés juives et de la soi-disant Association des Juifs du Reich en Allemagne n'ont pas été déportés, de même que certains travailleurs forcés, en particulier les travailleurs de l'armement qui travaillaient dans des entreprises importantes. Pour toutes ces personnes, la situation est toutefois devenue de plus en plus incertaine à la fin de 1942 et au début de 1943. De nombreux Juifs ont dû quitter leur foyer et ont été concentrés dans des maisons juives, des Judenhäuser, où ils ont dû vivre ensemble. Certains ont également été autorisés à rester chez eux et ont dû héberger d'autres Juifs, par exemple. Et pour de nombreux Juifs, la Judenhäuser était la dernière étape avant leur déportation. Comme je l'ai déjà dit, la plupart des Juifs allemands avaient déjà été déportés à cet hiver 42-43. Et ceux qui étaient encore là se demandaient constamment s'ils seraient bientôt déportés. Victor Klemperer en est un exemple très connu. Il était protégé parce qu'il vivait dans un mariage dit mixte, mais vivait dans la crainte permanente de la Gestapo. Et cette incertitude est présente dans toutes les lettres et tous les journaux des Juifs de cette période. Et l'incertitude a été encore accrue par le fait que de plus en plus de nouvelles concernant les meurtres de masse en Europe de l'Est sont également parvenues aux Juifs allemands. 21 novembre 1942, Dresde, Victor Klemperer. Frau Ziegler nous a offert une magnifique robe de chambre, presque neuve, de son mari décédé. La première robe de chambre de ma vie. Ce vêtement mou, sénile, prudhommesque, est par principe parfaitement contraire à mes goûts. Mais ce matin, lorsque de 4h30 à 6h, j'ai fait la lecture à Eva, toujours le singe blanc, il m'a rendu de fiers services et j'ai appris à l'aimer, sans doute durablement. Accepter de tels cadeaux est aujourd'hui chose fort courante, car tout ce que les expulsés ne donnent pas ici ou là est dérobé par la Gestapo. Et porter des choses héritées, d'occasion, est aujourd'hui le sort commun. Combien de choses de ce genre ai-je déjà sur le dos ou sur la tête? Un chapeau de John Neumann, mis encore de côté pour les jours où il fera meilleur, une veste intérieure de la même provenance, une paire de chaussures de Paul Kreidel, des chaussettes d'Ernst Kreidel et feu Herr Ziegler, des pantalons d'un inconnu du magasin d'habillement de la communauté, trois chemises de la même source. Une chemise de Heselbart Deutschen tombée au front. Chaque évacué tente de laisser quelque chose. Mais celui qui en hérite aujourd'hui est l'évacué ou l'assassiné de demain. Und in diesem Winter 42-43 geht die Gestapo gegen immer größere Gruppen von. Et cet hiver 42-43, la Gestapo prend des mesures contre des groupes toujours plus importants de cette petite population juive. Cela signifie que de plus en plus de Juifs, qui étaient auparavant protégés contre la déportation, sont désormais également déportés. Et comme de plus en plus de nouvelles sont parvenues à cette population juive sur ce qui est réellement arrivé aux déportés, de plus en plus de Juifs se suicident pour éviter la déportation. Et de plus en plus de Juifs essaient également de passer dans la clandestinité pour ne pas être déportés vers l'Est, comme on disait à l'époque. Österreichische Juden werden schon früher teilweise deportiert als. En ce qui concerne l'Autriche, les Juifs autrichiens ont été déportés plus tôt, avant le début de la déportation systématique des Juifs allemands. Il y a par exemple la déportation d'environ 5000 Juifs de Vienne vers la Pologne occupée au début 41. À partir de l'automne 41, les Juifs autrichiens ont été déportés en même temps que les Juifs allemands et ont donc été progressivement déportés à Lodz, à Riga, à Minsk. Und dann werden die allermeisten der noch in Wien lebenden Juden im Laufe des Jahres. La grande majorité des Juifs vivant encore à Vienne ont été déportés à Minsk au cours de l'année 1942 et y ont été assassinés immédiatement après leur arrivée. Minsk et Riga étaient les deux seuls ghettos dans lesquels il existait un ghetto distinct pour les Juifs allemands et autrichiens, dans lequel ces Juifs vivaient séparément de la population juive locale. Et tant à Riga qu'à Minsk, une grande partie de la population juive locale a été abattue pour faire de la place, pour ainsi dire, aux Juifs allemands, autrichiens et tchèques déportés, dont certains ont ensuite vécu dans ces ghettos pendant un certain temps. Et certains de ces Juifs allemands et autrichiens déportés ont dû emménager immédiatement après le meurtre de la population locale. Et il existe de nombreux rapports où ils décrivent comment ils arrivent dans ces maisons où tout est couvert de sang. La nourriture est encore sur la table et ils ne savent pas ce qui vient de s'y passer. Et dans ce monde chaotique, atroce et violent, ces Juifs déportés doivent alors trouver leur chemin d'une manière ou d'une autre et organiser leur vie. Cependant, seuls les Juifs qui ont été déportés à la fin de l'année 41 ont survécu dans ces deux ghettos. Presque tous ceux qui étaient dans les convois suivants ont été immédiatement assassinés. Décembre 1942, Dresde, Victor Klemperer. Sombre amertume. Tous ceux avec lesquels nous avions passé le dernier nouvel an ont été effacés. Assassinat, suicide, évacuation. Des 10 années de nazisme, cette année 1942 a été la pire jusqu'à présent. Nous n'avons cessé de subir de nouvelles humiliations, persécutions, dégradations et brutalités, constamment cernées par les éclaboussures du crime, et chaque jour nous nous sommes sentis en danger de mort. Et pourtant, je peux dire qu'il est fort à prévoir que la terreur va encore s'accroître, et je ne vois la fin ni de la guerre, ni de ce régime. Dans les Balkans, l'explosion de la Yougoslavie a donné naissance à une demi-douzaine de territoires avec des statuts très différents. La Shoah y débute dès le printemps 41, avec une intensité qui varie selon les régions. Dans les zones d'occupation italienne, il y a la mise en place de mesures antisémites, mais pas de collaboration à la solution finale. Dans les zones d'occupation allemande et hongroise, la situation est bien plus violente. Caroline Metzger, vous êtes historienne à l'Institut d'Histoire Contemporaine de Munich. Quelle est la situation dans les Balkans à cet hiver 42-43? Ich habe mich zum Beispiel befasst mit der Vojvodina. Das war einmal im Habsburger Reich. Je peux vous parler de la Voïvodine qui était autrefois dans l'empire des Habsbourg et où vous aviez une très grande société germanophone. La majeure partie de ce territoire se trouve donc désormais dans le nord de la Serbie. Une partie était occupée par l'Allemagne et une autre partie par la Hongrie. Et selon le pays qui s'était emparé de cette zone, cela a eu des conséquences complètement différentes, notamment pour l'Holocauste. Dans le Banat occupé par les Allemands, par exemple. C'est une région qui est devenue l'un des premiers territoires judenfrei en Europe, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus un seul juif. À l'été 1941, l'Holocauste y était déjà terminé, et cela était dû en partie à la collaboration de la société allemande locale. À côté de ça, dans la zone d'occupation hongroise de la Bačka, les Juifs ont été déportés petit à petit, en fonction de leur statut ou de leur citoyenneté. Cela s'est poursuivi jusqu'en mars 1944, jusqu'à ce que tout le monde soit déporté, c'est-à-dire lorsque la Hongrie a été occupée par l'Allemagne. Les Hongrois sont non seulement peu fiables sur le plan militaire, mais encore sournois en politique. On le voit à leur conduite dans la question juive. 21 mars 1943, Joseph Goebbels. Horthy lui-même a déclaré un jour au Führer que les Hongrois étaient un peuple d'aristocrates et que, partant, ils n'étaient pas faits pour manier l'argent. Il disait donc vouloir garder les Juifs en Hongrie pour qu'ils régulent le système monétaire du pays. C'est un autre point de vue, mais un point de vue stupide. Les remarques du Führer à propos des Hongrois et leur manière de traiter la question juive recoupent parfaitement les rapports confidentiels que le Bureau des investigations m'a transmis. Dans son journal, Goebbels parle souvent de l'amiral Horthy et du fait notamment qu'il refuse de déporter les Juifs hongrois. Parce qu'un certain nombre de régimes qui sont proches de l'Allemagne, la Bulgarie, la Roumanie qui tue des Juifs par ailleurs, la Hongrie, vont refuser de livrer leurs ressortissants juifs. Tal Brutmann, historien de la Shoah. Il faut vraiment insister sur deux choses. D'une part, ces régimes-là refusent de livrer en masse leur population juive nationale, autochtone, pour reprendre les termes de l'époque. Mais en même temps, l'antisémitisme bat son plein d'un point de vue politique. Et en même temps, cet antisémitisme-là peut avoir des dimensions assassines, directement, comme les Hongrois en Serbie, ou indirectement, avec les expulsions faites par les Hongroises, ou aussi autre cas de figure très particulier. Les Bulgares se sont pendant très longtemps targués d'être le seul pays à avoir échappé à la Shoah, ce qui est faux. Le régime bulgare a livré les Juifs qui n'étaient pas ce qu'ils appellent le vieux royaume, entendu la Bulgarie dans ses frontières d'avant-guerre. Mais en revanche, tous les territoires annexés, la Macédoine yougoslave, la Thrace grecque, vont voir leurs Juifs qui ne sont pas considérés comme bulgares être livré aux Allemands et déporté à Treblinka au printemps 1943. Donc ça montre non pas les ambiguïtés de ces régimes, il n'y a aucune ambiguïté, ce sont des régimes authentiquement antisémites, mais qui gèrent aussi leurs opinions publiques. En Bulgarie, c'est l'opinion publique qui va forcer le régime à arrêter de livrer des Juifs, puisque l'étape suivante qui était prévue, c'était la livraison des Juifs bulgares, au sens propre du terme, citoyens bulgares. En Hongrie, c'est la même chose, Horthy, qui déplaît tant à Goebbels dans son journal, gère son opinion publique. Mais on va constater la même chose en France aussi, à partir du Veldiv en zone occupée, puis la rafle de zone libre le 26 août 1942. C'est que le régime a beau être antisémite, il a beau collaborer directement avec les Allemands pour livrer des Juifs, dont il connaît le sort. Quand l'opinion publique proteste, ces régimes-là en tiennent compte parce que leur objectif est de rester au pouvoir et donc de ne pas heurter leurs opinions publiques. Si les déportations de Juifs posent problème, alors on va arrêter de livrer les Juifs aux Allemands. la persécution des Juifs atteint des dimensions démesurées. Mais les pires mesures contre eux sont tenues secrètes aux yeux des Ariens. 31 décembre 1942, Dresde, Victor Klemperer. Même les gens les plus proches ne connaissent ni les petites brimades, ni les meurtres atroces. Anne-Marie ne sait pas que nous n'avons pas le droit de vendre un seul meuble, que tout a été confisqué. Elle voulait nous acheter une étagère à livres. Frau Eger nous a dit dernièrement « Le plus terrible pour moi, c'est que les gens disent toujours « Votre mari a bien dû faire quelque chose, on ne tue quand même pas quelqu'un sans raison. » Je connais quelque chose d'encore plus terrible, le fait que, dans un cas pareil, les Juifs aussi disent « Il a sûrement fait quelque chose, il a dû masquer l'étoile ou s'être retrouvé dans la rue après 8 heures. » En novembre 1942, lors de l'opération Anton, les Allemands envahissent la zone libre. La France est désormais entièrement occupée. Alors que les attentats contre les occupants se multiplient en zone sud, les autorités allemandes organisent en représailles la rafle de Marseille, avec l'aide de la police française et de René Bousquet, secrétaire général de la police du régime de Vichy. Le 22 janvier 1943, le Vieux-Port est bouclé, fouillé, maison par maison. Parmi les personnes arrêtées, 786 juifs, dont 580 de nationalité française, seront envoyés à Drancy, puis déportés à Sobibor. La solution finale en France, elle va se dérouler parfaitement aux yeux des Allemands jusqu'au début de l'année 43. En janvier 43, on a encore la Grande Rafle de Marseille, qui est une opération conjointe franco-allemande. Il y a 10 000 policiers français et plusieurs centaines de soldats allemands, peut-être jusqu'à 1 000 ou 2 000. Qui vont arrêter plus de 700 juifs dans leur immense majorité français à Marseille en janvier 43. Puis ensuite, en février, Vichy va organiser une dernière grande rafle pour le compte des Allemands. Et à partir de ce moment-là, Vichy va arrêter de collaborer dans la solution finale directement en livrant des juifs depuis l'ancienne zone libre, tout simplement pour des raisons de gestion de l'opinion publique. Donc, en fait, les Allemands, eux, ce qu'ils veulent, c'est que leurs objectifs ne soient pas contredits par leurs alliés. Dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, les Roumains vont tuer massivement en Ukraine et les Allemands vont être gênés non pas par le fait que les Roumains tuent, mais qu'ils ne tuent pas conformément au plan poursuivi par les Allemands. Les Juifs, encouragés par leurs frères de la radio gaulliste, sèment tous les bobards qui peuvent décourager les patriotes, déshonorer leurs chefs. Archives de la propagande vichiste. Ces mêmes juifs sont l'armature du marché noir, générateur de misère et de légitime indignation d'ouvriers. Le maréchal et le président Laval font face à tous ces périls. Ils ont besoin d'une force pour les aider. C'est pourquoi le SOL s'élargit en milice et fait appel à tous les concours, étant doté de tous les moyens nécessaires. Qu'est-ce qui va changer pour les Juifs en France au moment de la fin de la zone sud ? En zone occupée, le régime de Vichy laisse sa police et sa gendarmerie aux ordres des Allemands. Et donc, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en zone occupée, quand la police ou la gendarmerie française est sollicitée par les Allemands pour arrêter les Juifs, ça correspond aux règles acceptées par Vichy, depuis 1940, et donc Vichy collabore étroitement. En revanche, en zone libre, en raison des accords d'armistice, Vichy est seul souverain, y compris une fois que la zone libre sera envahie et devient zone sud. Vichy étant seul souverain, les Allemands n'ont pas le droit de légiférer, par exemple, l'étoile jaune ne sera jamais imposée dans la zone sud, parce que Vichy s'y est opposé. Vichy a estimé que ça rendait les Juifs trop sympathiques et ne voulait pas rendre les Juifs sympathiques. Ce qui montre aussi toutes les subtilités en matière politique entre les Allemands et les Français. Ce point-là, il permet de comprendre une chose. À partir de la fin 42, début 43, quand la pression de l'opinion publique devient tellement importante sur le sort des Juifs, l'État français va décider d'arrêter de collaborer directement dans la livraison des Juifs depuis la zone libre, zone sud. Et on va avoir d'une part la mise en œuvre d'une politique antisémite par Vichy, telle qu'elle est définie depuis 40. On marque les juifs, y compris sur leurs papiers. Il n'y a pas le port de l'étoile, mais on tamponne les papiers d'identité des juifs. On marque leurs biens et on les spolie. On les contrôle pour vérifier qu'ils sont recensés, qu'ils ont leurs papiers qui sont tamponnés, etc., etc. Ils sont déférés devant les tribunaux s'ils sont en infraction avec la loi. Ils sont détenus. Donc tout l'appareil d'État fonctionne. Police, justice, ministère de l'économie et des finances, commissariat général aux questions juives, pour appliquer la législation antisémite. Mais si les Allemands, en zone libre, enfin ex-zone libre, veulent les juifs, c'est à eux de les arrêter. Et c'est là que ça change des choses, et justement qui confère une chronologie particulière à la France. C'est que quand vous êtes un flic allemand qui est muté de Stuttgart à Brest ou à Grenoble, vous ne connaissez pas la langue, vous ne connaissez pas la région, et vous ne connaissez pas la population locale. En zone occupée, l'Allemand de Stuttgart qui est à Brest, il s'appuie sur la police et la gendarmerie du coin. En revanche, dans l'ancienne zone libre, ils ne peuvent pas le faire. Et à partir de 1943, on va donc voir une police allemande qui est seule en charge de la réalisation de la solution finale, avec des effectifs squelettiques. La police allemande, c'est 3000 personnes pour toute la France et toutes les missions qui incombe à la CIPOSD, ce qu'on appelle la Gestapo. Le renseignement, la lutte contre la résistance, contre les trafics, le marché noir, etc., et arrêter des juifs. Ils n'ont littéralement pas les moyens, en termes d'effectifs de police, de réaliser ces arrestations massivement. Et en plus, leurs effectifs de police ne sont pas taillés pour cette mission. Ils ne connaissent pas le territoire où ils opèrent. Pendant toute l'année 43, et même le premier semestre 44, les Allemands vont recruter massivement des militants de l'ultra-collaboration, Parti populaire français de Doriot, milice française ou des groupuscules comme les Jeunes de l'Europe Nouvelle, qui deviennent des agents français de la police allemande et qui, eux, ont le triple avantage des Français qui parlent français, qui connaissent le coin, topographiquement parlant, et qui connaissent la population. Et donc, les Juifs, ils les ont identifiés depuis un moment, les opposants politiques, etc., etc. Donc, à partir de 1943, la zone libre qui échappait aux Allemands qui en partie sous occupation italienne, va commencer à ressembler à un piège pour les Juifs qui s'y sont réfugiés. Et la pression va aller constante jusqu'au début de l'année 44, où là, elle va atteindre son acmé. Le 27 février 1943, Dresde, Victor Klemperer. J'avais une triple raison pour un profond pessimisme. Premièrement, la proclamation de Hitler. Personne n'avait eu cette proclamation entre les mains, mais on disait qu'elle menaçait encore plus ouvertement que le dernier discours de Goebbels de massacrer tous les Juifs. Puis, le lendemain, Eva, qui l'avait lue pendant le repas de midi, m'a dit qu'elle était terrible. Mais pas plus terrible en vérité que tout ce qu'Hitler avait déjà proclamé des dizaines de fois sur la question des Juifs. Deuxièmement, le choc ce matin a été plus violent. Il y a une semaine, Karoli Stern-Hirschberg nous avait écrit une lettre anodine et d'un ton assez calme. Je lui ai répondu le 25. Et aujourd'hui, la carte m'est revenue. Tampon bleu. Retour à l'envoyeur. Inscription au crayon. Abgewandert. Parti sans laisser d'adresse. Mot anodin pour faire violence, expulser, envoyer à la mort. Il n'est plus possible maintenant de supposer qu'un seul juif revienne vivant de Pologne. On les tuera avant de vider le camp. On raconte d'ailleurs depuis longtemps que nombre d'évacués n'arrivent même pas vivants en Pologne. On dit qu'ils sont gazés dans des wagons à bestiaux pendant le transport, que le wagon s'arrête pendant le trajet près de fosses communes creusées à l'avance. Je suis très mauvais. J'ai moins pitié pour Karoli que peur d'un sort semblable. Eva aussi était très affectée. Thank you. En Pologne, au cœur du processus de destruction des Juifs d'Europe, à l'été 42, avant les grandes déportations vers Treblinka, plus de 450 000 Juifs vivaient dans le ghetto de Varsovie. À l'hiver 43, ils ne sont plus que 60 000. Le 18 janvier 1943, pour la première fois, deux groupes de partisans du ghetto s'opposent aux nazis par la force lors d'une nouvelle action de déportation. Ils parviennent à paralyser le ghetto et à suspendre les déportations 4 jours durant. Et ce n'est qu'un prélude au soulèvement du ghetto de Varsovie qui aura lieu au mois d'avril suivant. Extrait du film Le pianiste. Les ghettos créés par les nazis sont créés avec une idée centrale, c'est qu'on va regrouper les juifs pour ensuite, une fois qu'on aura décidé de leur sort, régler leur sort. La solution finale n'est pas encore décidée quand les ghettos sont créés. Ces ghettos-là sont le contraire du ghetto historique. Autant le ghetto historique est là pour durer, et il va durer 2, 3, 4 siècles. C'est le cas des Juifs à Venise, mais en France, même chose, ou dans d'autres pays. Là, les ghettos ont pour fonction de n'exister que le temps durant lequel le régime nazi va réfléchir à la solution qu'il va donner à ce qu'il appelle le problème juif. En France, on a la même politique mise en œuvre par Vichy qui consiste à écarter les juifs de la société physiquement et à les interner dans des camps d'internement, littéralement de les concentrer. Maintenant, dans certains pays ou dans certaines régions, comme par exemple en Allemagne, ces mesures ne sont pas à l'œuvre pour tout un ensemble de raisons. Quand les Allemands concentrent les juifs en Pologne, c'est parce qu'ils estiment qu'ils sont dans ce que eux considèrent comme être le nid des Ostjuden, les juifs de l'Est, qui constituent pour eux la pire des aberrations. De fait, il y a plus de 2 millions de juifs dans le territoire polonais occupé fin 39. Il y en a encore 1,5 million du côté soviétique qui sera sous occupation allemande à partir de Barbarossa. Et donc, il faut contrôler ces nuées de juifs de partout, les regrouper dans des ghettos, pour avoir un contrôle direct sur eux et en plus pour préparer les territoires pour la colonisation allemande à venir, puisque quand on concentre les juifs, on libère de la place pour que les colons allemands viennent s'installer. Donc ça, c'est propre au territoire polonais. En 1939, il y avait 350 000 juifs qui vivaient à Varsovie. Audrey Kiszelewski, historienne. L'immense majorité d'entre eux va se retrouver enfermée dans le ghetto une fois qu'il est constitué et fermé en novembre 1940. 350 000 juifs, c'était à peu près le tiers de la population urbaine de Varsovie avant la guerre. Donc ce ghetto fermé en novembre 1940 va accueillir aussi les juifs des villes et villages aux environs, ce qui va porter le nombre total à peu près 450 000 juifs. À l'été 1942, donc avant que commencent les grandes rafles à l'intérieur du ghetto, il y a déjà 100 000 juifs qui sont morts de faim ou de famine ou de mauvais traitements ou qui ont été fusillés pour une raison ou une autre. Et ces grandes rafles vont complètement achevé de décimer le ghetto, puisque entre le 23 juillet et le mois de septembre 1942, par convois successifs qui partent d'Umschlagplatz, on estime que l'immense majorité du ghetto a été décimée, c'est-à-dire à peu près 300 000 juifs ont été envoyés dans le centre de mise à bord de Treblinka. Ce qui fait que l'hiver 42, après les grandes déportations, les juifs sont à peu près 60 000 grand maximum. Ghetto de Varsovie, Marek Edelman. Un jour, ils ont embarqué devant moi des gens qui ne possédaient pas de tickets de survie. Les Allemands avaient distribué ces tickets promettant la vie sauve à ceux qui les avaient reçus. Tout le ghetto n'avait plus qu'un seul et unique but, se procurer le ticket. Mais peu après, ils sont venus aussi chercher les détenteurs de tickets. Ensuite, ils ont annoncé que les employés des ateliers auraient le droit de vivre. Les ateliers manquaient de machines à coudre. Les gens ont donc cru qu'une machine à coudre allait leur sauver la vie, et ils payaient n'importe quelle somme pour en avoir une. Plus tard, ils se sont fait tous embarquer, machine ou pas. Finalement, les Allemands ont annoncé une distribution de pain à tous ceux qui se porteraient volontaires pour partir travailler. 3 kilos de pain par personne, avec en plus de la confiture. Écoute-moi bien, mon enfant. Est-ce que tu sais ce qu'était alors le pain dans le ghetto? Si tu ne le sais pas, tu ne comprendras jamais comment des milliers d'individus ont pu venir d'eux-mêmes et partir avec leur pain à Treblinka. Personne n'a jamais pu le comprendre. Toute la logistique va être transférée à l'organisation par les Juifs eux-mêmes. Alors évidemment, sous le contrôle, la supervision et la répression allemande, vont se mettre en place véritablement des structures gérant tous les aspects de la vie quotidienne, qu'il s'agisse de l'alimentation, de gérer les soupes populaires pour les personnes qui n'ont pas de ressources pour pouvoir se nourrir, donc tout l'approvisionnement, mais aussi des questions comme la gestion des déchets, des corps, puisque bien évidemment il y a une famine qui s'instaure et des maladies, et le typhus, et une mortalité qui explose, et donc il faut bien gérer ces cadavres qui jonchent les rues. L'éducation des enfants, elle n'est évidemment interdite, il n'y a aucun dispositif pour l'enseignement, quel qu'il soit, mais il se fait, et donc il y a aussi toute une vie clandestine qui se met en place, principalement dans les grands ghettos, Cracovie, Auschwitz ou à Varsovie, et dans les maisons, on va mettre en place des écoles pour les enfants avec un système d'enseignement, mais aussi toute une vie culturelle, une presse clandestine qui se met en place et finalement essayer de reconstituer une société qui essaye de fonctionner dans ces conditions terribles. Les échanges avec l'extérieur, ils étaient très nombreux et indispensables à la vie, à la survie du ghetto dès son instauration. C'est non seulement effectivement des Juifs qui rentrent et qui sortent pour aller travailler, mais c'est aussi tout le dispositif de marché noir, donc des Polonais qui rentrent et qui sortent pour apporter en sous-main des vivres, du matériel, des médicaments, etc. C'est notamment après ces grandes déportations de l'été 42 que va se mettre en place et se systématiser aussi une organisation juive de résistance. Et cette organisation qui s'unifie à l'été 42 dans beaucoup de ghettos a besoin d'armes, a besoin de matériel et se les fournit par des contacts à l'extérieur. Donc les contacts à l'extérieur ne vont jamais cesser, ni pour fournir les armes, ni pour échanger des informations. Et l'information circule, et d'ailleurs souvent les femmes qui vont pouvoir sortir du ghetto et aller prévenir et informer de ce qui se passe dans d'autres villes. Il y avait encore 60 000 juifs dans le ghetto. Ceux qui restaient avaient compris ce que voulait dire déportation et qu'on ne pouvait plus attendre. Marek Edelman. Nous avons pris la décision de créer une organisation armée unique pour l'ensemble du ghetto, ce qui n'était pas simple car les uns se méfiaient des autres, nous des sionistes et eux de nous. Mais tout ça ne voulait plus rien dire. Nous avons créé une organisation unique, l'organisation juive de combat. Nous étions 500. Mais en janvier eut lieu une nouvelle rafle, et sur les 500, il n'en est resté que 80. Lors de la rafle de janvier, les gens ont pour la première fois refusé d'aller docilement à la mort. Nous avons descendu quelques Allemands, rue Muranowska, rue Franciszkanska, rue Mila et rue Zamenhof. C'étaient les premiers coups de feu dans le ghetto. Ils ont fait du bruit du côté aryen car ça se passait avant les grandes actions armées de la résistance polonaise. À Varsovie, entre juillet et septembre, il y a ce grand mouvement de déportation et ce sont donc quasiment la totalité du ghetto, hein, 300 000 juifs qui sont déportés sur ces 3 mois vers Treblinka. Et à la suite de ces déportations, la résistance s'organise. L'organisation juive de combat est constituée le 28 juillet. Des armes sont achetées aux Polonais de l'autre côté du mur. Audrey Kiszelewski, historienne. Des caches sont constituées, on construit déjà les bunkers pour pouvoir cacher les armes, se cacher également et faire face parce qu'on sait, on se doute qu'il y aura d'autres rafles. Et en effet, début janvier, la résistance sait et s'attend à des nouvelles rafles. Et c'est au moment où les Allemands vont rentrer dans le ghetto, donc le 18 janvier, pour opérer ces rafles, qu'il y aura une résistance. Hein. Alors, il y aura beaucoup de pertes déjà, mais les Allemands vont reculer. Donc, c'est tout de même un signe, et un signe très fort. Et cette information va vraiment circuler dans toute la Pologne. Et j'ai notamment l'exemple, on est à Benzin, même dans la banlieue de Benzin, à Kamionka. La nouvelle de ce qui se passe en janvier 43 à Varsovie arrive là-bas et stimule l'organisation locale de résistance. Hein. Mais elle est principalement animée là-bas par les jeunesses sionistes. Et suite à cette information, ils vont faire la même chose, c'est-à-dire acheter des armes, construire des bunkers et se préparer à la résistance en cas de nouvelles rafles, ce qui se passera l'été suivant. Und da im Ende 42 diejenigen Juden, die noch Andrea Lowe, historienne. Gehört hatten, was mit den deportierten Juden. À la fin 1942, les Juifs qui vivaient encore à Varsovie ont finalement appris ce qui était arrivé aux Juifs déportés. Et ils ont décidé de préparer un soulèvement armé au sein du ghetto. Et en janvier 1943, au moment d'une nouvelle action de déportation, les SS se sont heurtés pour la première fois à une résistance armée. Et puis, en avril 1943, le célèbre soulèvement du ghetto a éclaté. Les rapports en provenance des territoires occupés n'apportent rien de nouveau ni de sensationnel. 23 avril 1943, journal de Joseph Goebbels. Il y a tout juste à noter des combats particulièrement violents à Varsovie entre notre police et même notre armée d'une part et les juifs en rébellion d'autre part. Ces derniers sont parvenus en fait à mettre le ghetto en état de défense. Il s'y déroule de durs combats, au point que les dirigeants juifs émettent quotidiennement des communiqués militaires. De toute façon, cette plaisanterie ne va pas durer bien longtemps. Mais on voit à quoi il faut s'attendre de la part des Juifs quand ils sont en possession d'armes. Malheureusement, ils en possèdent un certain nombre de bonnes fabrications allemandes, surtout des mitrailleuses. Dieu sait comment elles leur sont parvenues. Je me souviens qu'Antek a été le premier à dire à la réunion du commandement que les Allemands allaient incendier le ghetto. Alors que nous étions encore à nous demander ce qu'il fallait faire et comment mourir. Se jeter sur le mur, se laisser fusiller sur les remparts de la citadelle ou mettre le feu au ghetto pour brûler avec. 19 avril 1943, ghetto de Varsovie, Marek Edelman. Antek a dit « Et s'ils mettent le feu eux-mêmes ?» Nous lui avons répondu « Déconne pas, ils vont tout de même pas incendier une ville. » Le deuxième jour de l'insurrection, ils l'ont fait. Nous étions dans un abri, quand un gars est arrivé, terrifié, en hurlant au feu. La panique a éclaté. C'est la fin, on est perdu. C'est à ce moment-là que j'ai été obligé de casser la gueule à ce garçon pour le calmer. Nous sommes sortis dans la cour. Le feu nous encerclait, mais le ghetto central, heureusement, ne brûlait pas encore. C'était seulement chez nous, à la fabrique de brosse. J'ai dit qu'il faudrait traverser les flammes. Anya, l'amie d'Adam, celle qui s'était échappée de la prison de Paviak, nous a déclaré qu'elle ne viendrait pas avec nous, car elle devait rester avec sa mère. On l'a laissée là, et on s'est enfui à travers les cours. Nous avons atteint le mur rue Franciszkanska. Il y avait une brèche, mais elle était éclairée par un projecteur. Les gars sont redevenus hystériques, refusant d'avancer, disant qu'à la lumière, on allait tous être tués les uns après les autres. J'ai crié « Si vous ne voulez pas venir, restez !» Ils sont restés à 6, je crois. Zygmunt a tiré sur le projecteur avec le seul fusil que nous possédions et nous avons réussi à passer. Au moment de la révolte de Varsovie, hein, c'est à peu près, voilà, ils sont 50, 60 000. Une poignée va être des combattants actifs, les autres vont les encourager. Et l'insurrection qui se déroule du 16 avril au 16 mai 1943, à la fin de cette résistance et des Allemands qui vont finalement incendier les bâtiments un par un pour éliminer toute résistance. On a les chiffres qui sont donnés par le rapport Stroop, qui a pour titre « Le ghetto de Varsovie n'existe plus ». Et en effet, il donne le chiffre d'environ 56 000 juifs qui ont été capturés et déportés dans les camps de travail, 7 000 qui sont morts durant ces semaines d'insurrection et 7 000 qui ont été envoyés directement à Treblinka. Si on prend l'exemple de Varsovie, on a ce que les nazis ont appelé la « grosse action », la grande opération, mais qui est le terme générique qu'on retrouve pour toutes les liquidations de ghetto, et qui est arrêtée à l'automne 42, une fois que l'immense majorité des Juifs ont été déportés. Tal Brutman. En fait, ils gardent des poches. Historien de la Shoah. À Varsovie, à Lublin, à Łódź et dans d'autres ghettos, des poches de Juifs travailleurs, qui ne doivent pas être liquidés tout de suite. Et ces poches de Juifs travailleurs, qui doivent servir à l'effort de guerre allemand, vont être liquidés essentiellement dans le premier semestre 43 à la suite de tout un ensemble de révoltes. Notamment, on va avoir des révoltes, y compris à Sobibor et Treblinka, par exemple, dans les centres de mise à mort même, mais aussi à Varsovie en avril-mai 43 et dans d'autres lieux en Pologne occupée. Ce qui fait prendre la décision à Himmler de liquider les Juifs qui sont l'arch-ennemi du régime nazi, il en a la preuve. La preuve, c'est qu'ils se révoltent et donc il faut tous les tuer, même ceux qui avaient été temporairement épargnés pour servir à l'effort de guerre. Et donc les quelques dizaines de milliers de juifs qui restent dans le ghetto de Varsovie fin 42, ça correspond surtout à ce moment où l'essentiel de l'assassinat en Pologne a été opéré, mais les nazis se disent qu'ils vont garder de la main-d'œuvre juive le temps qu'ils en ont besoin. Et dans les 6 mois qui suivent, ce besoin va le céder à l'idéologie qui consiste à dire on tue tous les juifs, révolte du ghetto de Varsovie, ça montre la dangerosité des juifs, donc il faut tous les tuer. Je me souviens, le premier jour, je marchais dans cette rue coupée en deux par les murs du ghetto. Anna Langfus, romancière, survivante du ghetto de Varsovie. Je marchais de l'autre côté, de ce côté où on marchait encore librement dans les rues. À un moment donné, je vis un attroupement. Je me suis approchée et je me suis arrêtée. Tout le monde regardait en l'air. Je regardais moi aussi. Et j'ai vu sur un toit d'une maison du ghetto, un tout jeune garçon accrocher deux drapeaux. Un flottait déjà, c'était le drapeau polonais. L'autre, il était en train de le fixer. C'était le drapeau avec l'étoile de Sion. Les gens qui étaient à côté de moi riaient. Oui, il y en avait qui riaient. Et ils disaient, voilà les petits juifs qui vont faire leur grande guerre. À un moment donné, les coups de feu éclatèrent derrière nous. Et le jeune garçon s'immobilisa une seconde, puis roula tout doucement sur la pente du toit. Depuis ce jour-là, c'est quelques centaines d'hommes qui ont pris les armes, qui l'ont acheté à prix d'or, naturellement. Des Polonais ont tenu 40 jours. Comment ils ont pu tenir, je n'en sais rien. Ils n'étaient pas nombreux, ils avaient peu d'armes, ils étaient aidés par des femmes et des tout jeunes enfants entre 10 et 14 ans. Mais ils ont choisi cette mort. Ils se sont battus pour cette mort, pas pour vivre, parce qu'ils savaient très bien qu'il n'y avait plus de vie pour eux. Ils ont choisi de mourir en homme libre. Et je me rappelle, parce que j'étais avec eux avant, dans les ghettos, Quand on a compris que les transports qui partaient du ghetto ne partaient pas vers des camps de travail, mais ils partaient directement dans le camp où ils passaient dans les fours crématoires. Très longtemps, on a mis à admettre ça, parce qu'on ne pouvait pas, on ne voulait pas admettre ça. Et une fois qu'on savait que c'était vraiment ça, on disait, ce n'est pas possible. On ne peut pas nous massacrer comme ça, tous, dans ce petit espace réduit. On fera quelque chose. Quelqu'un fera quelque chose. Le monde fera quelque chose. Car il faut vous dire qu'au commencement, ils étaient un demi-million. À la fin, quand la révolte a éclaté, ils étaient, je crois, entre 40 et 50 000. Personne n'a rien fait. Derrière les murs du ghetto construits par les Allemands, il était un autre mur, plus terrible encore, le mur du silence. Merci à Tal Brutmann, Andrea Lowe, Caroline Metzger et Audrey Kichelewski. Prise de son Nadège Antonini, Lucas Desrodes et Philippe Mercher. Mixage, Manon Houssin. Lecture, Samuel Glomé, Rainer Sievert, Marc Lamijon et Anne Steffens. Traduction, Nathalie Maupetit. Archivina, Clary Monac. Documentation, Annie Signoret. Attachée d'émission, Marivana Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Merci à Andrea Brille de l'Institut d'Histoire Contemporaine de Munich. C'était l'hiver 43 sur tous les fronts, la Shoah, un documentaire de Christelle Le Polotec et Thomas Duterre.